T'es des skinny, rien à voir. Quand t'es marche en bikini, faut la voir. Bientôt la fête est finie, je vais la voir. Je rends la suite à midi, on se pète pour la voir. Tu dis que je suis dans la musique, voilà, voilà. Elle dit que j'aime la Panama, là, qu'elle veut pas de vous, vous êtes là. Elle me dit t'es de quelle origine, zéla. Je comprends le lingala, mon gars congolais, elle me sourit en disant va là-bas. Prends tout ton temps, on fera des nuits à parler jusqu'à pas d'heure. Je pourrais pas non plus effacer tout ce que t'as sur le cœur. Donne-moi les clés, je saurais reconnaître ta juste valeur. Au départ c'était un jeu, maintenant c'est toi qui donne l'heure. N'hésite pas, fais-le, vas-y, fais-le. Doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le pour moi, fais-le. Vas-y, fais-le, doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le pour moi, fais-le. Vas-y, fais-le, doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le pour moi, fais-le. Vas-y, fais-le, doucement, fais-le, fais-le, fais-le. Je m'en polygame, j'aimerais que tu sois ma dame. Une double divam, pour moi nous deux c'est carré. Mais la jolie femme est dans l'illégal. Elle attend un gosse, elle est déjà casée. Est-ce que je dois prendre les ondes? Comment ça? Y'a ce qui paraît, je comprends pas, pas la conne. J'fais ta carte, surtout pas de quoi tu parles. Dans tous les cas que tu veuilles ou pas, il va falloir faire un choix. Tout se paiera si bas, moi ton gars je connais pas. Y'aura pas de douille douille ma chérie. Avec toi je me projette dans un avenir. Il n'est pas question de t'avoir pour une nuit. Je veux que tu sois mon reflet à travers la vie. N'hésite pas, fais-le, vas-y, fais-le. Doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le pour moi, fais-le. Vas-y, fais-le, doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le pour moi, fais-le. Vas-y, fais-le, doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le pour moi, fais-le. Vas-y, fais-le, doucement, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le. Je serai jamais ton prince charme. Jamais. Le cœur en miettes, faut le réparer. Le temps s'arrête quand je prends ta main. Quand t'es la seule qui me rend taré. Le sentiment d'avoir à moitié. Quand c'est à moi, j'aime pas partager. Tout ce monde, je rappelle qu'on est séparés. Et ça me gêne, n'hésite pas, fais-le.